Les découvertes musicales de Fadjet. Propulsé sous les lumières de The Voice saison 5 dans l'équipe de Mika et après la sortie d'une reprise d'un titre de Nilda Fernandez, Louis Mortel revient pour vous proposer une nouvelle chanson intitulée « Tes mystères ». Je suis là près de toi et pourtant tu ne me vois pas. Pas un geste ni un regard comme si je n'étais pas là. La flamme est toujours là, mais nos corps ne se touchent plus. Comme une horloge figée, le temps ne bouge plus. Le pendule ne se balance plus. Au rythme de nos cœurs, il ne bat plus nos ardeurs. Donne-moi, donne-moi, donne-moi tes mystères, tes anges noirs et refaisons l'histoire. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi confiance, t'enivrer pour oublier ta souffrance. Tu me crois qui comme une chose que l'on a et qui ne partira plus, mais le temps m'est compté. La vie, nous n'en avons qu'une, aurais-je encore la force d'attendre tes mots doux sous ta féroce ignorance? Je ne demande pas une pluie de sentiments, mais un mot de tes yeux en guise de pansement. Donne-moi, donne-moi, donne-moi tes mystères, tes anges noirs et refaisons l'histoire. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi confiance, t'en irai. Faire partir finalement que t'attendre. Je choisis le ciel si mon cœur devait s'offrir. Tu oublies la valeur de ce que tu as. Si je ne suis plus, alors tu sauras. Contrairement à ton cœur, donne-moi tes mystères, tes anges noirs et refaisons l'histoire. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi confiance, t'enivrer pour oublier ta souffrance. C'était Tes mystères, interprété par Louis Mortel. Retrouvez les infos sur notre site fadjet.net, les découvertes musicales.